Tient trop à sa liberté. Alors elle couche avec tout le quartier. Hey, hey, hey, Laura, Laura. Mais moi je suis sûr qu'elle rêve de moi. Ah, ah, ah. La nuit très tard dans son cerveau. C'est juste que ses copines veulent pas. Ah, ah, ah. Elles disent que je suis pas un cadeau. Au moins il a une voiture. Moi j'ai 26 ans et j'ai pas de voiture. Hey, hey, hey, Laura, Laura. Mais moi je suis sûr qu'elle rêve de moi. Ah, ah, ah. La nuit très tard dans son cerveau. C'est juste que ses copines veulent pas. Ah, ah, ah. Elles disent de se méfier des Verseaux. Un soir je l'aurai au détour d'un trottoir. Je prendrai un billet direction la gare. Hey, hey, hey. Mais moi je suis sûr qu'elle rêve de moi. Oh, oh, oh. La nuit très tard dans son cerveau. Que ses copines veulent pas. Ah, ah, ah. Elles disent de refuser mes restos. Elles disent de se méfier des Verseaux. Elles disent que je suis pas un cadeau.